بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، donc le درس aujourd'hui sera sur le 18e hadith, الحديث الثامن عشر، qui lui se rapporte à la taqwa, où qu'on soit et quelle que soit la situation, de faire suivre les mauvaises actions par des bonnes actions et de bien se comporter avec les gens. نعم. فيقول قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Donc il dit que l'imam Tirmidhi rapporte, selon Abu Dhar et Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhuma, qu'ils aient dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, c'est-à-dire chacun d'entre eux dit que le prophète lui a dit, crains Allah où que tu sois, ou en quelque situation que tu sois, c'est-à-dire en temps ou en heure, et fais suivre les mauvaises actions par des bonnes, afin qu'elles les fassent, ou qu'elles les effacent. Et comporte-toi avec les gens de bonne manière. Hein? Adopte un bon comportement avec les gens. Donc le shir dit, وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَثْبُتْ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ مَيْمُونَ ابْنَ أَبِي شَبِيبٍ وَمُعَاذٍ وَأَبِي ذَرٍ فَفِي تُحْفَةِ التَّحْصِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمَا ويضاف إلى ذلك أن حديث معاذ وهم ورجح الدارقطني في العلال إرساله. فعلم أن حديث معاذ وهم وأن حديث أبي ذر لم يثبت اتصاله له وإنما الصحيح أنه مرسل من مراسل ميمون. انتهينا من هذا، الحاصل أنه ضعيف، لكن فقرات الحديث تدل عليها أدلة كثيرة. donc le shir dit que ce hadith en réalité est faible, car il y a une coupure entre Maïmoun ibn Abi Shabib et Mu'adh et Abi Dhar. Ça veut dire quoi? Que là il y a une coupure entre le Tabi'i et le Sahabi. Nous avons dit que ça s'appelle un Mursel, Hadith Mursel. Et également le Shir dit que le Hadith n'est Mursel que par rapport à Abu Dhar. En ce qui concerne Mu'adh ibn Jabal, il n'y a rien qui se rapporte revenant vers lui. C'est-à-dire que le hadith rapporté selon Mu'adh, hein, n'existe pas. Donc le hadith est un mursel juste rapporté par Abu Dhar, radiallahu anhu. Cependant, bien que le hadith soit faible, hein, le sens est correct. Son sens est correct et qu'il y a d'autres adillets qui viennent pour affirmer ce qu'il englobe comme sens. Donc on peut le prendre comme istidlal, se baser dessus comme argument. Naam. Tout d'abord, par rapport à la taqwa, quelle en est sa définition? Je pense que nous l'avons déjà cité dans un autre ders auparavant, cependant pas de mal à se le rappeler en guise de révision. Donc at-taqwa antaj'ala baynaka wa bayna sakhatillahi wa 'adhabihi wiqayatan bi ta'atillah. Donc la taqwa qui veut dire wikaya, qui veut dire protection, hein, qui veut dire protection, c'est le fait de mettre entre toi et la colère d'Allah et son châtiment une protection, par son obéissance. Hein, par son obéissance. Et ça, la taqwa, le sens de la taqwa. Et il a été rapporté de Tariq ibn Habib, qui l'a dit de la taqwa, أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وَتَتْرُكَ مَعْصِيَتَهُ عَلَى نُورٍ min Allah wa tarsha iqab Allah. C'est une définition qui est assez célèbre, assez connue. Hein, Tariq ibn Habib, qui dit que la taqwa, c'est le fait que tu œuvres dans l'obéissance d'Allah, avec une lumière d'Allah, en espérant sa récompense. Et la lumière d'Allah, c'est quoi le sens voulu ici? C'est la science. Et que tu délaisses la désobéissance d'Allah, hein, sur une lumière, c'est-à-dire avec science, provenant d'Allah, et que tu craignes son châtiment. Non. Donc les deux sens sont synonymes, sont similaires. Donc le shir commence en disant « Qoluhu ittaqillaha haythuma kunt » Crains Allah où que tu sois. « La haythuma » Le mot « haythu » « haythu » c'est un « zorf » en langue arabe qui peut être rapporté lié au temps ou au lieu. D'accord ? Ça peut être lié au temps ou lié au lieu. Les deux. « El amru bittaqwa bittaqwa Allahi » تدل عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة في الأمر بالتقوى وفي أي مكان من الليل والنهار سيرا وجهر. Donc il dit, le fait d'ordonner la taqwa, la crainte d'Allah, de craindre. Souvent la taqwa c'est traduit par la crainte d'Allah ou la piété. Donc là pour raccourcir, on va rester sur ce terme-là. Mais la définition, vous l'avez compris, elle est plus longue que cela, c'est le fait de se protéger de la colère d'Allah, de son châtiment. Donc cette piété est appuyée par, l'ordre de cette piété est appuyé par différentes preuves, beaucoup de preuves, dans le livre et la sunna. En tout lieu et en toute heure, que ce soit de nuit ou de jour, que ce soit apparent ou caché. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهُ. Dans le sens, il dit, nous avons certes recommandé à ceux qui ont lu le livre d'avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah. Là, c'est une grande recommandation qui a été dirigée vers tout croyant depuis avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَيَقُولُ اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Et dans le sens, il dit, et craignez Allah, et Allah vous enseignera. Et cela également est une parmi les causes d'apprentissage de la religion, la taqwa. Pour apprendre la religion, la taqwa. Fa taqwa Allahi khaylul libas. Qala ta'ala wa libasu taqwa dhalika khayl. Et que la taqwa est le meilleur des revêtements. Le meilleur des vêtements. Allah dit dans le sens, et le revêtement de la taqwa, est-ce qu'il est de meilleur? Hein? Est-ce qu'il est de meilleur? وَتَقْوَى اللَّهِ خَيْلُ الزَّادِ قَالَ تَعَلَى وَتَزَاوَدُوا فَإِنَّ خَيْلِ زَادِ التَّقْوَى. Et également, c'est le meilleur des ravitaillements, la meilleure des provisions, la taqwa. Comme il dit dans le sens, et approvisionnez-vous, car là, certes, le meilleur des ravitaillements, c'est la taqwa. Là, dans Surat al-Baqarah, quand il parle du Hajj, que parmi les choses à entreprendre pour le voyageur, qu'il s'approvisionne, qu'il prenne son ravitaillement. Cependant, le meilleur des ravitaillements, c'est lequel? C'est la taqwa. Wa taqwa Allahi min asbab al-rizq. Qala ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Donc la taqwa est parmi les causes d'obtention de la subsistance. Comme Allah dit dans le sens, et celui qui craint Allah, il lui donne une issue et il lui apporte sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Et également, quand il ne s'y attend pas. Car Haythu, on a dit que Haythu, ça peut dire, ça peut être par rapport au temps et par rapport au lieu. Wa taqwa Allahi min asbab al-basira. Qala ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu taqwa Allah wa aminu bi rasuli. Yu'tikum kiflayn min rahmati wa jallakum nuran tamshuna bihi wa yafir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Donc également, la taqwa est parmi les causes de clairvoyance, hein, de bonne direction. Comme Allah dit dans le sens, ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, afin qu'il vous donne deux parties de sa miséricorde et qu'il vous accorde une lumière par laquelle vous avancerez. Et il vous pardonnera, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Wa qala ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إذا مساهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Donc il dit, dans le sens, que certes, ceux qui ont craint, qui ont fait preuve de piété, lorsque des suggestions du shaitan les atteint, les voilà qui se rappellent du châtiment d'Allah, hein, et qu'ils deviennent clairvoyants. Ceux qui craignent, lorsqu'ils ont des wasawis, des choses des instructions de shaitan, avec leur taqwa, ils se rappellent que cela peut les mener au châtiment d'Allah, donc là ils se rappellent et deviennent clairvoyants et se rangent sur la droiture. وتقوى الله من أسباب التفريق بين الحق والباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Et également la taqwa est une cause de distinction entre la vérité et le faux. Hein, celui qui fait preuve de taqwa arrive à discerner entre le vrai et le faux. Comme le dit Allah dans le sens: ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous apportera alors une distinction, hein, et effacera vos mauvaises actions et vous pardonnera. Et Allah est le détenteur de la grâce immense. Donc là, le shahid, yajallakum furqana, il vous attribuera une distinction, un discernement. Non. Ce verset amène à comprendre que les gens qui s'engouffrent dans les troubles, dans les fitnas, délibérément, hein, et s'y empêtrent, ces gens-là ont sûrement une défaillance dans leur taqwa. Ce sont des gens qui, en dehors de ces fitnes, dans leur vie de tous les jours ou autre, sont sûrement des gens dont la taqwa est à revoir, leur crainte d'Allah est à revoir. Donc Allah ne leur accorde pas le tawfiq et font qu'ils deviennent aveugles et s'engouffrent dans les fitnas et ne comprennent plus rien. On parle des gens qui s'enfoncent, qui persistent délibérément à provoquer le mal. Ces gens-là, sachez que même en dehors de ces fitnas-là, le mal qui nous est apparent, que l'on s'interroge sur le mal qui est caché quant à la droiture de ces gens dans leur religion, de tous les jours. Naam. وَتَجِدْ أَوَامِرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَنَوَائِهَا فِي الْقُرْآنِ إِمَنْ يتقدمها أمر بالتقوى أو يتعقبها. قال تعالى: طيب. Et tu vois que les ordres d'Allah ainsi que ses interdictions sont soit devancées par un ordre, un appel à la taqwa, ou qu'elles sont suivies. C'est-à-dire que l'ordre de la taqwa vient avant que l'appel à la taqwa vient avant l'ordre d'Allah, ou alors qu'il le suit. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Dans le sens, Allah il dit: et vous avez certes dans le talion une préservation de la vie, ô vous les dotez d'intelligence, afin que vous craigniez. Donc là, regardez, après l'ordre d'appliquer le talion, Allah l'a fait suivi de quoi? De la taqwa. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Dans le sens, il dit: entraidez-vous dans l'obéissance et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la désobéissance. Et craignez Allah, car cet Allah est dur en châtiment. Donc là, on voit encore, regardez dans le verset où il dit que là, la taqwa vient à la suite de l'ordre. Allah nous a ordonné de nous entraider dans l'obéissance et la piété. Et à la fin, il dit quoi? Et taqullah, et craignez Allah. Wa qala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc il dit: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous craigniez, hein, d'atteindre la taqwa, la piété. Donc là également, on voit que la piété est citée après l'ordre du jeûne. وَكَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ هَذَا فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي يَتَقَدَّمُهَا التَّقْوَى أَوْ يَتَعَقَّبُهَا. Donc combien dans le Coran cela est-il cité, dans les ordres ou les interdits, que la taqwa le précède ou le suit? c'est-à-dire verbalement, que Allah donne un ordre ou un interdit, une interdiction, et que celle-ci est soit précédée par la taqwa ou qu'elle en est suivie. Ittaqillaha haythuma kunt. Et crains Allah, là il recite le hadith, et crains Allah où que tu sois ou en quelque situation que tu sois. Fala tazunna annaka idha khalauta anna Allah ma yarak. Yaqulu Allah wa ma yakun. وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. Donc il dit, dans le sens qu'il n'est pas de discussion secrète entre trois personnes sans qu'il ne soit le quatrième, c'est-à-dire Allah, et ni cinq sans qu'il ne soit le sixième, ou moins que cela ou plus que cela sans qu'il ne soit avec eux où qu'ils soient. Ensuite il informera de ce qu'ils œuvraient le jour de la résurrection. وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ. Dans le sens, Allah il dit que Allah est derrière eux et les cerne de toutes parts. Hein, que Allah est derrière eux et les cerne de toutes parts. وَيَقُولُ أَفَلَمْ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْكُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Donc, ne sait-il pas ce qu'il y a dans les tombes, que cela sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qu'il y a dans les poitrines, et que certes leur Seigneur est parfaitement informé, sera parfaitement informé de ce qu'ils font ce jour-là. Donc ces preuves-là viennent pour citer que Allah subhanahu wa ta'ala voit tout ce qui se passe en tout lieu, en toute heure, et en toute situation. Et que bien sûr, ces hadiths ne sont pas là pour démontrer que Allah est présent dans sa création. Mais cela est présent, et que Allah est présent par sa science. D'accord ? Car Allah, Ar-Rahman, Ar-Rash Istawa, que Allah est établi au-dessus du trône. Allah est dans les cieux. Manafi, Manafok, au-dessus des cieux. Que Allah n'est pas avec nous présent dans sa création. Cependant, il sait tout cela par quoi ? Par sa science. Non. Et que le fait de dire que Allah est présent en tout lieu, cela est de la mécréance. Cette croyance est fausse et erronée et de la mécréance. Non. Ensuite, le cheikh poursuit en disant: وَيَقُولُ الَّذِي يَرَكَ حِينَ تَكُمْ وَتَكَلُّبُكَ فِي سَاجِدِينَ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Celui qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent, c'est lui l'audient et l'omniscient. يَرَكَ فِي أَيْ مَوْضِعٍ أَنْتَ وَعَلَى أَيْ حَالٍ كُنْتَ قَالَتْ عَيْشَةٌ. Donc il te voit où que tu sois et en quelque situation que tu te trouves. D'accord ? Que Allah voit tout ce qui se passe. Et cela revient au hadith que nous avions pris de Jibril, alayhi salam, celui lorsqu'il parle de Al-Ihsan. مَا وَالْإِحْسَان أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et que si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Tout cela est similaire. Et se suit et s'enchevêtre. Hein? Et tout ceci se joint l'un à l'autre. Cela revient à la taqwa. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Mais que si jamais tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Qalat Aisha radiallahu anha, an khawla radiallahu anha. Subhana man wasa'a sam'uhu kulla shay. Wallahi inni la fi al-hujra. ولم أسمع كلامها وسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات في حين كانت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ولو يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Donc Aïcha disait: Subhanallah, que soit exalté et purifié de tout défaut celui dont lui recouvre ou recouvre toutes choses. Celui dont lui recouvre toutes choses. Recouvre toutes choses. Par Allah, j'étais certes dans la pièce, c'est-à-dire à côté, et je n'entendais pas la parole, c'est-à-dire de Khawla, qui était venue pour parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de son mari. Elle dit qu'elle n'entendait rien alors qu'elle était à côté. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, d'au-dessus de des sept cieux, lui a tout entendu. Hein? Lorsqu'elle parlait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à propos de son mari. Et Allah dit dans le sens que certes Allah a certes entendu la parole de celle qui vient t'entretenir à propos de son mari pour se plaindre auprès d'Allah. Et Allah entend leur discussion. Certes, Allah entend et voit toutes choses. Hein? Allah entend et voit toutes choses. قال تعالى وما الله بغافل عما تعملون. Et que certes, Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. فهذا من أدلة المراقبة. Cela fait partie des preuves qu'Allah nous surveille et nous observe. Hein? Que Allah nous surveille et nous observe. ومن أدلتها الحديث الحديث الذي بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Donc il dit également que ce l'épreuve sur le m'entendez non je ne pense pas Non. Que cela fait parmi est compté parmi les preuves qu'Allah nous observe et nous surveille, et également parmi ces preuves, le hadith qui va venir par la suite, c'est-à-dire le 19e hadith, hein, le 19e hadith d'Ibn Abbas, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit préserve Allah et il te préservera. Préserve Allah. Et tu le trouveras devant toi. Si jamais tu demandes, alors demande à Allah. Et si tu recherches de l'aide, alors recherche-la auprès d'Allah. C'est-à-dire, يَحْفَظِ اللَّهِ فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ يَحْفَظُكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ. C'est-à-dire, préserve Allah dans ce qu'il y a entre toi et lui comme ordre et interdiction et que Allah te préservera. Et l'explication du hadith, que veut dire préserve Allah, protège Allah, cela viendra, inshallah, dans le prochain cours, bi'idhnillah ta'ala, pour ne pas s'étaler et s'étendre et rallonger le cours. Car Allah, bien entendu, en lui-même, n'a pas besoin d'être préservé. Hein? Mais cela a une interprétation qui viendra, inshallah, dans le prochain hadith. Hadihi muraqabatullah subhanahu wa ta'ala wa qissat Yusuf alayhi salam qala تعالى مخبرا عنه معاذ الله إنه ربي أحسن مثوى إنه لا يفلح الظالمون. Donc également que parmi les choses que Allah démontre que Allah nous surveille et nous observe, il y a l'histoire de Yusuf alayhi salam. Lorsque Allah dit à son sujet dans le Coran, lorsque la femme d'Al-Aziz tenta de le séduire alors qu'il se trouvait seul avec elle, que dit-il dans le sens qu'Allah me protège, c'est mon maître et le meilleur refuge. Hein? C'est mon maître et le meilleur refuge. C'est-à-dire que Yusuf alayhi salam savait que Allah subhanahu wa ta'ala l'observait, donc il revint, il vint se réfugier auprès de lui. Wa qawluhu dans le hadith, sa parole, wa adbi'il sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et fais suivre la mauvaise action par une bonne afin qu'elle l'efface. Fais suivre la mauvaise action par une bonne en vue qu'elle l'efface. Wa kam min adil min wa kam min al-adillati في أن الحسنات يذهبن السيئات قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك أزكى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين وأحاديث الوضوء. طيب. Donc il dit combien de preuves sont venues sur le fait que les bonnes actions effacent les mauvaises. Allah dans le sens dit que certes les bonnes actions effacent les mauvaises et il y a en cela un rappel pour ceux qui se rappellent, hein, pour ceux qui se remémorent. وأحاديث الوضوء وأحاديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Comme les hadiths de l'wudu, des ablutions, ou les hadiths des cinq salawat qu'on accomplit tous les jours, et du jumu'a jusqu'à l'autre jumu'a, et de ramadan, entre chaque ramadan, entre chaque jumu'a, que tout cela expie ce qu'il y a entre eux si les grands péchés sont évités. Hein, que toutes ces choses-là effacent les mauvaises actions, hein, effacent les mauvaises actions à condition que les grands péchés eux soient évités. Non. Hadith Othman, إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجه كل خطيئة كأن نظر إليها بعينه مع الماء أو أجر قطر آخر قطر الماء إلى آخر الحديث comme le hadith d'Othman رضي الله عنه il dit que si le serviteur fait l'oudo ses ablutions et qu'il lave son visage alors il fera sortir chaque mauvaise action comme s'il les contemplait en tombant avec les gouttes d'eau c'est-à-dire en lavant son visage cela lui effaça ce qu'il a vu en lavant ses mains ce qu'il a touché en lavant ses pieds ainsi de suite ce vers quoi il aura et se sera rendu ce vers quoi il aura marché et que comme si chaque goutte d'eau prend avec elle un péché non wa hadith abi hurayra kadhalika fi fadl al wudu également le hadith de abu hurayra dans le mérite la vertu de l'eau d'eau des ablutions wa hadith jabir également le hadith de jabir wa jaa an aydihi ara'aytum law anna ahadakum ala babihi nahru ghamr يجري يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا قال فذلك مثل الصلوات الخمس donc il dit comme dans le hadith de Abu Dhar ou de Jabir afwan le hadith de Jabir qui est également venu par autre que lui que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit que voyez-vous que si l'un d'entre vous avait un fleuve abondant coulant devant sa porte et qui s'y laverait tous les jours, cinq fois par jour. Est-ce qu'il resterait quelque chose ou est-ce qu'il resterait quelques souillures sur lui ? Il dit non. Il dit alors il en est de même pour les cinq salawats, les cinq salats quotidiennes. Que celles-ci effacent les péchés de l'individu tant que les grands péchés sont évités. Hein ? Entre chaque salat, celles-ci effacent ce qu'elles contiennent comme péché parmi les grands. Que ceux-ci sont évités. Non. وكذلك أدلة التوحيد وأنها من مكفرات الذنوب. Hadith al-Bitaqa. Il dit également parmi les preuves du Tawhid que le Tawhid est parmi ce qui efface les mauvaises actions. Que le Tawhid est parmi ce qui efface les mauvaises actions. Et également le Hadith de l'Bitaqa que nous avons déjà pris également dans un cours précédent de cet homme qui avait des péchés à perte de vue. Et que lorsqu'il sortit la bitaqa de la kalima tawhid, la ilaha illallah, que celle-ci l'emporta sur sa balance et fit voler toutes les mauvaises actions, yani les manuscrits, tous furent effacés pour la vertu qu'il avait en lui qui était le tawhid, l'ikhlas. Non. Donc celle-ci également prouve qu'elles effacent les mauvaises actions. Le tawhid, lui, est une cause de rentrer au paradis. Donc il efface toutes les mauvaises actions de l'individu si Allah lui pardonne ses péchés par une pénitence, un passage en enfer, s'il le veut. S'il le veut, il l'absout, il le gracie, il le fait rentrer au paradis. Quoi qu'il en soit, le tawhid, celui qui est adepte du tawhid, rentrera au paradis. Wa hadith Abdillah ibn Amr. Amma alimta anna l'islam yahdam ma qablahu, wa anna hijrata yahdam ma qablaha, wa anna l'hajj yahdam ma qablahu. Donc également le hadith de Abdullah ibn Amr, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'as-tu pas su que l'islam efface ce qui l'a précédé, c'est-à-dire le kufr, et que la hijra efface ce qui l'a précédé, c'est-à-dire que le musulman qui a fait la hijra, tous ses péchés antérieurs sont effacés après qu'il ait fait la hijra, et que le hajj efface ce qui l'a précédé, et pareillement celui qui a fait un hajj, hein, bien accompli de façon pieuse, cela efface ses péchés antérieurs. Mais ne pas tomber dans le piège de beaucoup de personnes qui se disent, j'attends d'être vieux pour faire le hajj, comme ça tout ce que j'ai fait comme mal sera effacé. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort va te venir, à quel moment l'âme va mourir. Donc toi, à ce moment-là, tu dois te précipiter d'accomplir les bonnes actions en espérant la rahma d'Allah. Ne pas se dire j'attends, je retarde pour le faire plus tard en vue d'être pardonné et avant la mort, alhamdoulilah, je serai blanchi de tout péché. Non, car tu ne sais pas à quel moment la mort te viendra. Et Allah nous a incité à nous accourir à accomplir les bonnes actions. Et le hajj est une obligation individuelle lorsque la personne est en état de l'accomplir. Si demain il te vient l'argent, que tu es en bonne santé et que tu as les moyens de partir, de revenir, le hajj te devient obligatoire. Ne pas attendre d'être un homme âgé ou je ne sais quoi. Le hajj est obligatoire à ce moment-là. Si la période du hajj est venue, bien sûr. Naam. Wa hadith Abi Hurayra fil afkar wa fihi محيت عن هميت خطيئة وكتبت لهميت حسنة الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكانت له هرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. Donc il dit également le hadith d'Abi Huraira lorsqu'il cite les afkar, d'accord, du matin, qu'il dit que celui-là, ce zikr, ce rappel, cette invocation, lui efface 100 mauvaises actions et lui écrit, lui accorde 100 bonnes. Celui qui dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, hein, qu'il n'y ait pas de divinité digne de tadawus ni Allah, et qu'il n'ait pas d'associé. Laul mulk ou l'hamd, à lui la royauté et à lui la louange. Wa wa la kuli shin qadir, et qu'il est capable de toute chose, cela sera une protection pour lui de Shaitan lors de sa journée, jusqu'à ce que le soir vienne. Qu'il soit préservé de Shaitan du matin jusqu'au soir. Ensuite, il cite le hadith Wa adbir essayat al hasanat tamhuha, et fait suivre la mauvaise action par une bonne, celle-ci l'effacera. Cela revient à cette partie du hadith. Hein? Cela revient à cette partie du hadith que tout ce que tu feras comme bonne action effacera la mauvaise qui l'aura précédée. Qawluhu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, et adopte avec les gens un bon comportement. Fais preuve avec les gens d'un bon comportement. Al-khuluq al-hasan min afdal al-qurubat wa adillatuhu kathira. قال ما من شيء أثقل في الميزان العبد في ميزان العبد من خلق الحسن. Donc le bon comportement est parmi les meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les preuves de cela sont très nombreuses. Parmi elles, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'est pas une chose étant plus lourde sur la balance du serviteur si ce n'est le bon comportement. كما في حديث أبي داردا وربما يسبق بخلقه الحسن درجة الصائم درجة الصائم القائم المتصدق. Donc il dit dans le hadith rapporté par Abu Darda que le bon comportement peut amener le serviteur au degré du jeûneur, de celui qui se lève la nuit pour faire sa salat, ou de celui qui donne l'aumône. Hein, une personne qui jeûne très peu, qui se lève très peu la nuit, ou qui fait preuve, qui ne donne pas beaucoup d'aumône, son bon comportement peut l'amener au niveau des gens qui accomplissent ces actions-là. Hein, qui sont au niveau du jeûneur, de celui qui fait l'aumône, et de celui qui veille la nuit en prière, ou en salat. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man utiya hadhuhu min al-rifq, qad utiya hadhuhu min al-khayli dunya, min al-khayli dunya wal-akhira. وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار ويزيدان في الأعمار. Donc il dit également celui qui a obtenu sa part de douceur, hein, a certes obtenu une part de bien dans ce bas monde et dans l'au-delà, et que le bon comportement et que le bon voisinage sont les choses qui font vivre les maisons, c'est-à-dire apportent le rizq, hein, et qui prolongent le temps de vie et prolonge le temps de vie. Hakadha qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama fi hadith Aisha wa huwa thabit. Kama fi hadith Aisha wa huwa thabit wa qala sallallahu alayhi wa sallam innama bu'ithtu li utimma makarim al-akhlaq. Donc le hadith d'Aisha qui est authentique, où il dit j'ai juste été envoyé pour parachever le bon comportement. Hein? ولما قال هرقل لأبي سفيان ما يأمركم به قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. Donc il dit également dans le hadith rapporté par Abu Sufyan, lorsqu'il fut envoyé à Hirakl de Rome, Héraclès comme il l'appelle, qui était le chef des Romains à l'époque, il l'interrogea à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant et que vous ordonne-t-il? C'est-à-dire le prophète. Il répondit, il nous ordonne d'accomplir la salat, d'être véridique, de faire preuve de chasteté, d'entretenir les liens de parenté. Donc tout cela revient à quoi? À fond, c'est le khuluq, au bon comportement. وقال يا أخو أبي ذر لما جاء إليه ماذا يأمركم به ويأمر به؟ قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق. طيب. Donc il dit également lorsque le frère d'Abu Dhar, là par contre je pense qu'il y a une coupure également dans le hadith. Il y a un truc qui manque dans le hadith. Toujours dit que le frère d'Abu Dhar fut interrogé également à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que, ou qu'ordonne-t-il, hein, qu'ordonne-t-il? Il dit, je l'ai vu ordonner de faire preuve de noble caractère. Hein, de faire preuve de noble caractère. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق وهذا لا شك أنه أمر من أفضل الكروبات كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وحسن الخلق من أجل الكروبات كما في هذه الأدلة وغيرها. Donc il dit, il n'y a pas de doute plutôt que le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné de faire preuve de bon comportement et qu'il n'y a aucun doute que cela fait parmi ou que cela est parmi les plus grands moyens, les meilleurs moyens de rapprochement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire comme adoration. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne qui avait le meilleur comportement, la meilleure attitude. فَعُلِمَا بِذَلِكَ سِحَتْ حَدِيثَ الْبَابِ بِهَدِي الْشَوَاهِدِ وَحَمْدُ لِلَّهِ نَسْأَلَ اللَّهِ التَّوْفِيقِ. Donc là nous avons su par toutes ces preuves que ce hadith est authentique dans le sens, hein, son sens est authentique par rapport à tout ce qui était cité là lors du cours, comme preuve qui appelle à ce que la personne doit craindre Allah où qu'elle soit et en quelque situation, qu'elle doit faire suivre les bonnes, les mauvaises actions par des bonnes afin qu'elle les efface, et qu'elle doit faire preuve d'un bon comportement avec les gens. Le hadith est appuyé par d'autres, ce qui amène à dire que son sens est correct et authentique. Donc on peut le prendre comme preuve. Naam. Donc de là s'achève le ders. Walhamdulillah. Fabihada naktafi. Wa nakul subhanaka allahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.